Borbo, qu'on a su de Papa Basilikin tout à l'heure, qui pense que Vladimir Poutine ne va pas franchir cette ligne rouge qui a déclencherait, et là on est d'avis avec Bertrand Tatina, qui déclencherait la déchéance à tout point de vue des États-Unis, sauf que il y a l'intégrité de son pays qui est véritablement menacée. La théorie du complot telle que visée notamment par la presse occidentale ne passe pas. Il y a une véritable menace aujourd'hui qui pèse contre le Kremlin. Les ennemis peut-être sont il y a des pressions qui peuvent venir de l'intérieur pour fragiliser, tenter de fragiliser davantage le régime de Moscou. Quoi qu'il en soit, Poutine devra se défendre. Maintenant la question est avec elle. Très bien. D'abord, pour l'Occident, l'OTAN en particulier, je crois qu'il se trompe beaucoup parce que Poutine est peut-être un des plus modérés, justement, du régime russe, comme tu l'appelles. Hein. C'est peut-être celui avec qui on peut discuter. Parce que si par malheur, il s'en prenait à Vladimir Poutine et qu'il n'était plus là, le successeur peut être encore plus méchant vis-à-vis de l'Occident, je veux dire. C'est-à-dire qu'il peut être plus intransigeant. Donc là, il se trompe des cibles. Mais. Les armes nucléaires tactiques, hein, vous pensez à des choses comme ça, ça peut être utilisé sur le champ de bataille, en particulier les armes à neutrons, mais en fait, il faudrait que l'adversaire soit de taille. Vous voyez que l'Ukraine. Bon, c'est vrai que la Russie a fait la guerre contre l'OTAN, et maintenant que c'est perdu, je crois que l'OTAN va plutôt se défiler et laisser les Ukrainiens se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et à ce moment-là, ça sera pas facile. Ça sera plus nécessaire d'utiliser quelques armes tactiques, que ce soit. Du côté nucléaire. Alors maintenant, si par contre il s'avère nécessaire de pointer une menace vis-à-vis de l'Occident, puisqu'il pousse trop loin le bouchon, c'est-à-dire que pour qu'il commence un peu à réfléchir, parce qu'il comprenne que le langage de la force. Moi je vais donner un exemple, je pense que c'est déjà bien réfléchi et qu'il y a mieux même, c'est juste de lancer une vraie arme nucléaire, pas tactique, une vraie arme nucléaire qui peut détruire Washington. À 42 000 km environ, environ 36 000 km à la surface de la Terre, hein, 42 000 km du centre de la Terre, donc 36 000, et le mettre en position géostationnaire. Voilà. Et bon, c'est vrai qu'on est en Amérique du Nord, c'est un satellite qui va défiler un peu, mais même s'il est en position géostationnaire, qu'il soit capable en quelques heures, une heure, deux heures, d'atteindre. Il commencerait déjà à réfléchir. Voilà. On ne va pas le mettre à défilement parce que s'il défile, il passe par Moscou. Mais on le met en position géostationnaire. C'est-à-dire qu'il doit passer par l'équateur. Au niveau de l'Amérique, c'est une petite bande qui serait atteinte. C'est ça. Là, on est au niveau de l'Amérique centrale. Hein. Une petite bande de terre, pas grand-chose, hein, autour du canal de Panama. Et voilà, mais c'est pas loin de Washington. Donc à tout moment, le satellite, le missile, là, on le fait basculer. Et ils tombent sur Washington. En fait, ce que je vais essayer de visualiser les choses. Ils ont la chance qu'ils ne sont pas à l'équateur. Parce que sinon, ils verraient carrément le satellite pointer devant eux, là. Le missile, je veux dire. Il tourne, hein. Mais comme il est synchronisé à l'équateur avec la Terre, on le voit toujours en face de soi. Bon, alors là, on va décaler un peu vers le sud, puisque l'équateur, c'est au sud, pour les États-Unis. Mais il est en position géostationnaire. OK ? C'est-à-dire qu'à tout moment, une commande, et il bascule. Bon, des choses comme ça, je n'ai pas dit que c'est forcément ça. Mais il y a plusieurs possibilités pour leur faire peur. Si c'est ça, si on en arrive là. Sans même qu'on ait obligé d'utiliser l'arme, ils savent qu'on peut l'utiliser. Parce qu'en fait, normalement, on a les armes, on dit qu'il ne faut pas les utiliser. Ok, mais comme apparemment, maintenant, il faut vraiment faire agir l'arme. Bon, on n'a pas besoin d'atteindre ce seuil, mais on a un seuil juste un peu avant où on a déjà fait une action. L'arme est déjà en position. Ok ? Donc, une commande va être utilisée. Bon, alors l'autre réponse c'est que oui, s'ils font ça, les Américains, ils peuvent faire la même chose. Et bien c'est là que c'est bien. Parce qu'on va voir qui a la meilleure technologie. Parce que si je mets mon arme géostationnaire, là, mon satellite, parce que c'est satellisé, ben, si tu es fort, tu le détruis. Ben, moi, je suis plus fort, je te détruis. Donc on verra la guerre dans l'espace, on verra qui est le plus fort. J'envoie, je mets, toi aussi tu positionnes, moi je détruis le tien. Toi, tu ne peux pas détruire le mien. Bon, je crois que là, tu te tais déjà. C'est ce que je veux dire. Voilà. Bon, on peut faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut simuler. On peut aussi détecter et leur envoyer la carte de tous leurs sites où ils ont des silos nucléaires. Ok. Parce que quand même, quand vous avez des armes nucléaires opérationnelles, parce que moi je pense, j'ai toujours dit que je doute que ce soit le cas pour la France. Hein. Mais bon, s'ils ont des armes, bon, ils disent que c'est dans les sous-marins. Donc du coup, le sous-marin lui fait le tour de la Terre. Bon. Mais si vous avez des armes nucléaires dans un silo, mais comme l'uranium est très concentré ou le plutonium, la radioactivité est assez élevée, elle se voit de l'espace. Donc on leur envoie les cartes des sites où on sait qu'il y a leur silo. Et même on peut même estimer la puissance de l'arme qui est là. On peut même leur dire que vous dites qu'il y a une arme à tel endroit, mais il n'y en a pas en réalité. Non. On peut faire beaucoup de choses pour leur montrer qu'on maîtrise la situation. Moi, je ne fais que donner des idées comme ça. Mais des idées, je pense que s'il faut pousser ça à ce niveau-là, je pense que les Russes auront du répondant. Parce que techniquement, il est prouvé sur le terrain, dans l'opération spéciale en Ukraine, que l'armée russe, on le voit aussi même en Afrique, l'armée russe, on disait au départ qu'elle était rouillée. Vous vous souvenez, on disait que Poutine a envoyé des nouvelles recrues, des jeunes qui ne savent pas combattre, parce qu'en fait, il n'y a plus d'armée russe. Ben, vous voyez qu'on a vu que c'était le contraire. On a compris après que peut-être ce qui avait échappé à la Russie, c'est jusqu'à quel point l'OTAN va s'engager. Mais une fois qu'ils ont compris que l'OTAN leur faisait vraiment la guerre, c'était pas simplement un soutien à l'Ukraine, mais on leur faisait vraiment la guerre. Moi, je pense que la lecture de la Russie était de détruire un maximum d'armes occidentales, d'où faire durer la guerre. Bon, maintenant on arrive à la fin, on a dit qu'on envoie des chars, on les voit pas, on envoie des avions, on les voit pas. Bon, ça veut dire qu'eux-mêmes ont compris que s'ils en vont, on détruit. Donc c'est la fin de la guerre. Je pense qu'il reste Daniel Klakazelinski. Voilà. C'est-à-dire soit il fuit et soit on l'attrape. On le juge. Pour moi, mais les craintes comme les Occidentaux font là, je répète, un, il peut avoir plus dur que Poutine vis-à-vis du camp occidental. Ça c'est le numéro un. Deux, les Russes ont plusieurs façons de leur faire comprendre que même si il faut montrer les biscottos, ils ont les moyens de contrer largement. D'accord. Voilà. Merci à Delphine. À bon entendeur, salut. Absolument. Et vivement, effectivement, que les Européens puissent définitivement savoir à quoi s'en tenir pour qu'on passe à le. Afrique Média, le monde, c'est nous.